MNP, LMP, SCLIR, SCLIS, SARL familial, NU, déficit foncier, loi Pinel. Mais quelle fiscalité choisir pour ton investissement immobilier? Donc je te propose de répondre à cette question. Commencer cette vidéo, laisse-moi me présenter. Je m'appelle Damien, j'ai créé la chaîne Esprit Gagnant pour aider le maximum d'investisseurs à devenir rentables et à passer à la vitesse supérieure. J'ai mis en place une formation sur l'investissement locatif de A à Z. Tu pourras la télécharger gratuitement. Le lien se trouve au-dessus ou en dessous de la vidéo. Tu cliques juste sur le lien et tu me mets ton prénom et ton email et je te l'envoie immédiatement. Donc, quelle fiscalité choisir pour ton investissement immobilier? Donc, c'est une question qui revient très souvent. Alors, j'ai la première réponse, c'est que tant que tu n'as pas de revenus locatifs, tu n'as pas de fiscalité à payer. Donc, tant que tes revenus locatifs sont à zéro, ta fiscalité, ton imposition est à zéro. Ce que je veux dire par rapport à ça, c'est déjà la première chose à faire, c'est trouver des biens intéressants, des biens rentables, au moins en parallèle des questions que tu peux te poser sur la fiscalité. Parce que la fiscalité n'est qu'une partie de ta stratégie. Et la première étape, l'étape principale, ça va être tout de même de trouver cette bonne affaire, une affaire qui va te permettre de dégager un excédent de trésorerie qui va te permettre de t'enrichir avec l'immobilier. Je vais donner trois étapes que tu vas suivre pour pouvoir t'orienter vers la meilleure fiscalité. L'étape numéro une, c'est définir ta stratégie. Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente? Est-ce que tu veux faire de l'investissement locatif? Vu une énorme rentabilité tout de suite, est-ce que tu penses revendre d'ici 5 ans, 10 ans? Est-ce que tu penses accumuler des biens et ces biens, tu penses avoir une sortie très très lointaine et limite ne jamais les revendre? Tout ça va te permettre de choisir ta fiscalité car selon ta réponse, tu auras une solution appropriée qui sera différente. Donc, il faut vraiment que tu saches où tu veux aller avec tes investissements immobiliers. Donc, ce qui est important par rapport à ça, souvent, c'est de répondre au pourquoi tu veux faire ces investissements immobiliers. Après, tu peux aussi les regrouper par paquet. Tu peux avoir un paquet d'investissements immobiliers que tu veux faire avec une stratégie, un autre paquet d'investissements immobiliers que tu veux faire avec une autre stratégie. Hein, tu n'es pas obligé d'avoir tous tes œufs dans le même panier et de faire la même stratégie, le même choix pour l'ensemble de tes investissements immobiliers. Étape numéro 2, ça va être voilà, si tu commences vraiment à trouver des biens intéressants, mais que tu es vraiment bloqué et seulement bloqué par la fiscalité, ça peut être intéressant de prendre un rendez-vous conseil chez un fiscaliste spécialisé. Donc, tu as répondu à la première partie de la question, à la première question, à la première étape. Et là, tu peux aller voir un fiscaliste en lui posant vraiment toutes tes questions. Et le fiscaliste va te donner son diagnostic comme un médecin. Il va te dire, voilà, pour lui, c'est plus ça, ça et ça. Et surtout, pourquoi? C'est plus ça, ça et ça. Mais vraiment, on fait l'étape 1, tu as défini ta stratégie. Étape 2, tu vas voir un fiscaliste et il va te donner les meilleures stratégies pour toi par rapport à ce que tu auras défini dans l'étape 1. L'étape numéro 3, donc tu vas revenir avec des propositions du fiscaliste. Potentiellement, tu vas avoir des personnes dans ton entourage qui ont fait autrement. Surtout, n'essaye pas de copier des personnes de ton entourage ou des personnes que tu as vues sur Internet qui te disent qu'ils ont telle ou telle bonne affaire, qu'ils arrivent à faire tel excédent de trésorerie. C'est eux qui l'ont fait, c'est cool. Par contre, ce n'est pas toi, ce n'est pas ta stratégie. Il n'y a pas forcément la même situation, couple, marié, enfant, etc., etc. Donc, le plus important, c'est d'écouter ton fiscaliste et l'étape numéro 3 derrière, tu l'écoutes, tu mets en application et tu ne te fais pas influencer parce que tu peux écouter à droite et à gauche des personnes qui potentiellement, effectivement, eu d'énormes résultats, mais pour une stratégie qui leur est propre. Résumons les étapes à mettre en place pour choisir la meilleure fiscalité pour ton prochain investissement immobilier. Étape numéro 1, il faut définir la stratégie que tu veux mettre en place pour cet investissement immobilier. L'étape numéro 2, une fois que tu as défini cette stratégie, c'est d'aller voir un fiscaliste pour te faire confirmer la meilleure solution pour toi ou les meilleures solutions, si c'est un ensemble de solutions ou une combinaison de solutions. Et l'étape numéro 3, une fois qu'il t'a dit ça, tu vas forcément voir autour de toi des gens qui font des choses différentes. Et là, il faut surtout pas vouloir copier sur eux parce que le choix de la fiscalité est vraiment personnel. Il va vraiment dépendre de toi et de ce que toi tu veux faire par rapport à l'immobilier et ce que tu as déjà fait et ta situation financière. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me mettre un gros like. Partage-la à des amis investisseurs hein, qui sont intéressés, qui se posent ce genre de questions. Alors là, c'est, on va dire, environ 95% des investisseurs se posent ce genre de questions. Donc n'hésite pas à partager cette vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire, ben, toi, quelle fiscalité tu as suivi. Allez, comme ça, on va faire un petit sondage pour voir la fiscalité que tu as suivie. Mais l'exercice derrière, ça sera attention à celui qui va lire, ne pas appliquer. Mais ça permet de voir la diversité des solutions qui peuvent être mises en place. Donc n'hésite pas à me mettre la solution que est-ce que toi tu as, est-ce que tu es en NU, en LMNP, en SCI. N'hésite pas à mettre ça en commentaire. Ben, abonne-toi à la chaîne YouTube. Donc tu appuies sur le petit bouton s'abonner. Il y aura une petite cloche, tu appuies dessus. Comme ça, tu pourras recevoir toutes les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo. Et en tout cas, bah, d'ici la prochaine vidéo, je te dis porte-toi bien, passe à l'action, mets en place les étapes dont on a parlé dans cette vidéo. Et à très bientôt. Ciao, ciao!